me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le roman de Camus, L'étranger, a-t-il pour titre en anglais « The Outsider » en Grande-Bretagne et « The Stranger » aux États-Unis, demande l'universitaire américaine Alice Kaplan. Quelle a été la genèse des éditions américaines et anglaises du futur best-seller mondial intergénérationnel? Comment le roman a-t-il été reçu outre-Manche et outre-Atlantique? Et comment un trop-plein de guillemets dans la version anglaise de son roman « L'étranger » a-t-il révélé à Albert Camus qu'il y avait un problème dans la traduction? Que dit la fiche du FBI de l'écrivain journaliste résistant Albert Camus à l'occasion de sa venue à New York en 1946? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine au Collège de France, nous entraîne dans l'immédiat après-guerre entre Londres et New York. Il nous invite à rencontrer dans le cadre de son séminaire lié à sa série « De la littérature comme sport de combat » Alice Kaplan, professeure de français à la chaire John Musser à l'université de Yale, spécialiste de l'histoire du XXe siècle. Cette universitaire travaille à l'intersection de la littérature et de l'histoire en mêlant étroitement un travail sur les archives et l'analyse minutieuse des textes. J'essaie de me situer à la charnière de l'histoire et de la littérature compte tenu du privilège que j'accorde à la narration, disait-elle en 2007 dans une interview pour le journal Libération. En 2014, Alice Kaplan décide de raconter la genèse du roman « L'étranger » et part enquêter en Algérie. Elle décide d'accompagner, dit-elle, Camus, mois après mois, comme si je le regardais par-dessus son épaule. Ce sera le passionnant essai « Looking for the Stranger », biographie d'un texte publié en français chez Gallimard en 2016 sous le titre « Enquête de l'étranger ». Au magazine Elle, Alice Kaplan explique, et je la cite, que le premier intérêt de ce roman réside dans le contexte de son écriture, quand à 25 ans seulement, Camus entame la rédaction de l'étranger. Il le construit au rythme des événements et des bouleversements d'une guerre, celle de 1939-1945. La réception de l'œuvre est tout autant fascinante entre réticence, puis une incroyable explosion d'amour qui échappe à son auteur. En écrivant cet ouvrage, j'ai également voulu combler le vide de ma propre éducation. On ne m'avait jamais parlé de l'Algérie, et L'étranger est le premier roman que j'ai lu en français. Au journal Le Monde, Alice Kaplan explique aussi l'influence du roman « Le facteur sonne toujours deux fois » de James Cain. Camus observe l'effet qu'obtient James Cain, dit-elle, en utilisant l'appellation « le grec » au lieu d'un véritable nom propre. Camus comprend que lui-même peut produire un effet similaire en appelant son propre personnage de victime l'arabe. Réduire un homme à un simple qualificatif ethnique lui permet de signifier le racisme sans avoir à l'expliquer. Alors comment les Britanniques et les Américains ont-ils reçu L'étranger de Camus? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 13 mars 2018 pour le séminaire d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, The Stranger contre The Outsider, un combat pour le titre de l'étranger avec Alice Kaplan. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Alice Kaplan. Bon, nous nous connaissons depuis bien longtemps puisque nous avons été collègues à l'Université Columbia il y a plus d'une bonne trentaine d'années, enfin une grosse trentaine d'années. Et à l'époque, Alice Kaplan travaillait justement sur les pamphlets, puisqu'elle était en train de publier ou venait de publier un livre dont on a parlé récemment à cause de l'actualité française et parisienne. Elle était en train ou venait de publier un livre sur les sources de Bagatelle pour un massacre. Le pamphlet de Céline, dont il est question aujourd'hui, puis il n'est plus question, enfin ça change de semaine en semaine, que maintenant c'est revenu, oui, maintenant c'est revenu que ce pamphlet soit publié. Personnellement, peut-être qu'on pourra en parler, moi je suis plutôt pour sa publication. Je crois qu'il devrait être publié. Comment ? On peut en parler. Oui. Mais bien publié. Publié, mais bien publié. En tout cas, l'un des instruments de travail à propos de ces pamphlets, et elle est l'une des premières à avoir travaillé sur eux, c'était ce relevé des sources et des citations de Bagatelle pour un massacre. Ensuite, après avoir quitté Columbia, Alice Kaplan a enseigné à Duke, et puis à Yale, où elle a fait la plus longue partie de sa carrière. Elle a publié de nombreux livres qui ont été traduits en France, mais je ne sais pas si celui justement qui s'appelait French Lessons a été traduit. Ah ben, French Lessons, c'était un livre, un récit, un mémoire sur ses relations avec la langue française et avec la France à travers la langue française. C'était un très beau livre, donc moins académique. Et puis, ceux qui ont été largement traduits en France, c'est le livre sur le procès brasiliac, Intelligence avec l'ennemi, publié chez Gallimard en 2000. Le livre intitulé « L'interprète sur une cour martiale américaine en Bretagne à la suite du débarquement de 1944 ». Et c'est un livre qui est lié à un roman de Louis Guillou. Hein, Okejo, que tu as traduit aussi, je crois. Oui. Que tu as traduit en anglais. Okejo, c'est un roman de Louis Guillou que je vous recommande, qui porte sur cette cour martiale américaine et qui est à l'origine de, de cette enquête d'Alice Kaplan. Et puis, le livre qui a été publié il y a peu de temps, en 2016, Enquête de l'étranger, qui porte donc sur avec un peu la même démarche, sur l'histoire qu'il y a derrière l'étranger d'Albert Camus, avec une enquête qui a notamment été faite en Algérie pour retrouver ce qui est au départ de cette fiction. Nous sommes donc très impatient de l'entendre, et le titre est « The Stranger contre The Outsider », donc un combat pour le titre de l'étranger, le choix du titre en anglais. Merci Antoine, merci pour cette invitation. Je suis très honorée d'être là parmi vous. Donc je vais parler de deux titres aujourd'hui, « The Outsider » ou « The Stranger ». Pour les traducteurs littéraires, le choix du titre est toujours un moment difficile. Comment résumer l'œuvre en quelques mots et dans une autre langue? En découvrant un titre sur une couverture, le lecteur se fait déjà une idée du livre. Quand un éditeur choisit de modifier un titre déjà connu, il le fait à ses risques et périls. Beaucoup de lecteurs ont tiqué quand la traduction en anglais de La recherche du temps perdu, jusqu'alors connue sous le titre shakespearien Remembrance of Things Past, est devenue In Search of Lost Time, pourtant plus proche de l'original. Sans parler de Dostoevsky, dont un même roman a porté trois titres successifs, The Possessed, The Devils, The Demons, c'est-à-dire Les Possédés, Les diables et les démons. Autant de nuances qui peuvent avoir un effet considérable sur la réception d'une œuvre. L'étranger en français, c'est à la fois le ressortissant d'un autre pays, le marginal et l'inconnu de passage. Comment se fait-il alors que le roman de Camus soit toujours intitulé The Stranger dans ses versions américaines et toujours The Outsider dans ses versions britanniques? Avant d'examiner les archives des éditeurs concernés, je croyais connaître la réponse à cette question, ou du moins la pressentir d'après ma conception de l'Angleterre et des États-Unis en matière de culture et de politique. Dans le fameux melting pot new-yorkais, où tout le monde est plus ou moins issu de l'immigration, il semblait presque naturel que la maison Knopf choisisse de publier L'étranger. Dans une grande Bretagne en proie à la lutte des classes, me disais-je encore, l'éditeur Hamish Hamilton était sans doute plus au fait de l'exclusion sociale, d'où le choix de The Outsider. Telle était du moins ma théorie, qui s'est avérée fausse dans les deux cas. The Stranger et The Outsider sont nés tous deux en 1946, dans l'atmosphère littéraire un peu fébrile de l'après-guerre. Aux États-Unis, en l'absence d'importation, il était quasiment impossible de dénicher un seul exemplaire de l'étranger, qui avait été publié, comme vous savez, en 1942 chez Gallimard. Impossible de dénicher l'étranger ou de n'importe quel autre roman publié entre 1940 et 1944. En 1946, les anglophones éprouvent donc un sentiment de temps perdu et jugent urgent de renouer avec une culture littéraire européenne dont on les a si longtemps privés. Blanche Knopf, qui a fondé la maison d'édition Knopf avec son mari Alfred en 1915, a toujours fait une place centrale dans son catalogue à la traduction de la littérature européenne contemporaine. Elle n'a eu aucun contact avec la France pendant la guerre. Mais en février 1945, elle peut à nouveau communiquer avec son agent à Paris, Jenny Bradley. Jean-Paul Sartre, de passage à Harvard, vient d'encenser le roman, encore inédit, d'un certain Albert Camus, un jeune auteur et journaliste issu de la Résistance, très prometteur. L'ouvrage en question s'intitule « La peste ». Dans un télégramme à Bradley, Blanche Knopf demande alors à en lire le manuscrit. Associé aux souffrances et à l'héroïsme de la France sous l'occupation allemande, le roman promet de faire grand bruit. Pour être certain de l'obtenir, Knopf comprend qu'il lui faudra également acheter les droits de l'étranger, même si c'est avant tout la peste qui l'intéresse et lui semble d'actualité. Dans un télégramme envoyé en février, Albert Knopf presse Bradley d'obtenir les droits de la peste, dont le manuscrit n'est même pas terminé. Pour l'étranger, il hésite encore. Il se décide en mars 1945 et fait une offre de $350 pour les droits de traduction de l'étranger, avec une option sur les droits de la peste quand le livre sera terminé. L'étranger suscite plus d'enthousiasme chez les Britanniques que chez les Américains. Cyril Connolly, directeur de revue et critique littéraire en vue, est aussi fougueux et excentrique à sa manière que l'infatigable Blanche Knopf. Les écrits de Camus lui apparaissent comme un nouveau départ pour la fiction contemporaine. Son bref roman algérien, âpre et violent, semble s'adresser directement à une Grande-Bretagne qui s'engage alors dans la décolonisation à l'aube de l'indépendance de l'Inde. Il s'empresse de signaler l'étranger à l'attention de l'éditeur Jamie Hamilton qui en achète les droits pour l'Angleterre en février 1945 avec une avance de 75 livres sterling. Connolly est chargé d'en rédiger la présentation. Hamilton choisit également le traducteur Stuart Gilbert, un ami de James Joyce qui a déjà traduit les Thibauts de Roger Martin Dugard et la condition humaine d'André Malraux. Gilbert a naguère servi de conseiller linguistique auprès de la légendaire équipe de traducteurs qui, sous la direction de Valérie Larbaud, a traduit Ulysse en français en 1929. On peut donc espérer que son français est aussi bon que son anglais. Knopf et Hamilton se mettent d'accord pour partager les frais de traduction. Stuart Gilbert travaille rapidement. En septembre 1945, il adresse son manuscrit complet à Knopf et à Hamilton avec des instructions et un titre, The Stranger. Le 10 janvier 1946, Jamie Hamilton envoie les épreuves corrigées de la traduction à Blanche Knopf à New York. L'éditrice américaine pourra ainsi relire les épreuves et y apporter des corrections de dernière minute. Et là, coup de théâtre. Gilbert annonce que le titre anglais va être changé. Sa lettre met Knopf devant le fait accompli. Je vous adresse 6 juin un jeu d'épreuves corrigé de L'étranger de Camus que nous avons décidé d'intituler The Outsider. D'abord parce que nous jugeons ce titre plus frappant et plus juste que The Stranger. Ensuite parce que Hutchinson a récemment publié un roman russe intitulé The Stranger. Pourquoi donc ce titre serait-il plus frappant et plus juste? Parce qu'un autre éditeur britannique, Hutchinson's, vient justement de publier la traduction anglaise d'un roman non pas russe mais en fait polonais sous le titre The Stranger. Hamilton craint que les lecteurs ne confondent ce livre avec celui de Camus. Côté américain, il est trop tard pour passer à The Outsider. Quant aux épreuves que commence à envoyer Hamilton, elles sont tout aussi inattendues que le changement de titre. Knopf ayant déjà envoyé le livre à la composition pour qu'il soit prêt lors de l'arrivée de Camus à New York. Blanche Knopf répond sèchement à la lettre de Hamilton. En recevant le manuscrit qui contenait les instructions de Stuart Gilbert, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait de la version mise en page que nous avons relue et corrigée le cas échéant. Si j'avais su qu'il s'agissait d'épreuves, je ne les aurais sûrement pas envoyées à la composition. Je regrette que vous n'ayez pu me télégraphier le nouveau titre, dont je comprends fort bien pourquoi il vous convient mieux. Pourquoi donc n'a-t-il ni téléphoné ni télégraphié? Les deux éditeurs, Knopf et Hamilton, ont beau parler la même langue, ils sont séparés par l'immensité de l'océan et par la discordance de leurs objectifs. Côté anglais, Jamie Hamilton n'a pas imaginé un instant que Knopf ferait composer le livre de son côté sans attendre son propre jeu d'épreuves. Hamilton s'est-il montré condescendant? Knopf a-t-elle péché par excès d'assurance? La confrontation d'un désir de contrôle côté britannique et d'un désir d'indépendance côté américain offre une belle allégorie des relations entre la Grande-Bretagne et les États-Unis depuis la Révolution qui a consacré notre séparation. Vous voyez que je ne résiste pas au grand cliché. Pendant des décennies, personne n'a su expliquer pourquoi le roman de Camus avait deux titres anglais différents. Dans un compte-rendu de la nouvelle traduction de L'étranger par Sandra Smith, paru en 2013, l'écrivain algérien Ali Alika soutient que le titre « The Outsider » est politiquement scandaleux parce qu'il efface l'ambiguïté du mot français « l'étranger », ambiguïté à laquelle ce titre substitue l'idée plus banale d'exclusion. Le titre de son article résume sa position, je le cite, « Une Américaine réécrit L'étranger d'Albert Camus en oubliant que l'Algérie a été colonisée ». Ce qu'il veut dire par là, je crois, c'est qu'aux yeux d'un Algérien, Meursault est en effet un étranger, un colon français, même s'il s'agit en l'occurrence d'un petit colon, guère privilégié par rapport à ses homologues plus fortunés. Sous cet angle, le mot « étranger », appliqué au narrateur et personnage principal du roman, souligne le fait que les actes de Meursault ont lieu dans un paysage qui ne lui appartient pas, dans un pays qui n'est devenu le sien qu'au terme d'une conquête illégitime. L'étranger, le pied noir, tue l'indigène et cet acte entraînera sa mort. Ali Alika ignore donc que, depuis 1946, les Britanniques ont toujours utilisé le titre « The Outsider » pour le roman de Camus, et que cette nouvelle traduction, signée par une Américaine, paraît quand même chez Viking à Londres. Si je m'intéresse à son erreur, c'est qu'elle confirme qu'en matière de titre, l'interprétation est inévitable. Certains titres ont beau entretenir un rapport avec une histoire littéraire spécifique, ce rapport disparaît quand un lecteur pose ses yeux pour la première fois sur la couverture. Certains titres subissent sans doute avec le temps des effets de nature idéologique, mais en l'occurrence, il n'y a pas d'idéologie en cause. C'est seulement pour des raisons de marketing et d'opportunité éditoriale que l'étranger a donné naissance, en anglais, à deux faux jumeaux. Le texte est certes le même, mais chaque livre a sa propre typographie, sa propre couverture et son titre à lui. Ce dédoublement s'est perpétué jusqu'à nos jours, alors même que de nouvelles traductions ont remplacé celles de Gilbert. Quel qu'en soit le traducteur, l'édition britannique s'intitule toujours « The Outsider » et l'américaine « The Stranger ». Ajoutons à cette histoire culturelle de la traduction de Gilbert quelques remarques sur les couvertures de ces deux éditions, elles aussi très différentes. Celle de l'édition britannique de 1946 montre un visage d'arabe dans un style évoquant la gravure sur bois et annonce une introduction du critique Cyril Connolly. Regardons-la de plus près. Ce dessin est l'œuvre d'un dessinateur et illustrateur anglais, Edward Bodden, qui a beaucoup voyagé au Moyen-Orient au cours de la guerre. Ce qui frappe dans cette couverture, c'est que l'arabe a des traits manifestement moyen-orientaux. Il n'est qu'un simple élément décoratif, avec sa tête penchée sur le côté et ce visage encadré par le tissu blanc d'un turban. Il pourrait être originaire d'Arabie Saoudite ou de Timimoun dans le désert algérien, mais certainement pas d'Alger. Au-delà de cette apparence physique, il est intéressant que l'éditeur ait choisi de représenter un arabe sur la couverture. À l'intérieur du roman, on le sait, l'arabe est dépourvu de nom et il brille surtout par son absence, non seulement au procès de Meursault, mais dans la plupart des articles consacrés au roman. La préface de Connolly est conforme à cette illustration, et cela a plus d'un titre, si j'ose dire. Il commence par une affirmation péremptoire. Ce qui caractérise surtout Albert Camus, au-delà de son rôle dans la Résistance ou de son appartenance à un nouveau mouvement littéraire français, c'est qu'il est algérien. Mais qu'est-ce qu'un Algérien ? Demande Connolly. Un Algérien, écrit-il, ce n'est pas un colon français, mais un citoyen français domicilié en Afrique du Nord, un homme de la Méditerranée. Il n'y a pour lui ni XVIIIe siècle, ni âge baroque, ni Renaissance, ni croisade, ni troubadour dans le passé de la côte barbaresque. Voilà une position curieusement essentialiste. Connolly ne tient pas compte du fait que Camus a été élevé dans l'école traditionnelle de la Troisième République, qu'il a sauvé de la misère. Or, les programmes de cette école font une large place à la culture et la littérature du XVIIIe siècle et de la Renaissance, etc. Connolly propose une lecture politique du roman. À son sens, Camus manifeste un manque de sensibilité en n'accordant pas aux personnages arabes, et notamment à la femme mauresque, battue et injuriée, la même bienveillante attention qu'à Meursault, seul personnage dont le drame existentiel semble l'intéresser. Si le titre britannique « The Outsider » est en effet moins politique que « The Stranger », comme l'affirme le critique algérien, cette introduction énonce des opinions tranchées, empreintes de moralisme et d'esprit anticolonial, et met en avant la dimension politique absente du titre. Ce qui est certain, c'est que l'éditeur prend des risques en offrant à ses lecteurs, en guise d'introduction, une véritable critique du roman. Jamie Hamilton est persuadé qu'il tient là un best-seller et prévoit un premier tirage de 10 000 exemplaires, soit plus de deux fois les 4 400 exemplaires tirés par Gallimard pendant la guerre. Chez Knopf, à New York, on se montre beaucoup plus prudent. Le manuscrit de Camus est confié à un lecteur maison, Herbert Weinstock. Ce spécialiste de l'opéra n'est certainement pas l'homme le plus apte à apprécier l'écriture de Camus. Il commente le roman en ces termes. Cette longue nouvelle, la traduction ne compte pas plus de 30 000 mots, se lit agréablement, mais sans enthousiasme. Je ne la trouve ni très marquante, ni très mémorable, et elle me paraît truffée de détails superflus. L'accumulation de détails, le ton neutre et ce qu'il appelle une naïveté étudiée lui semblent relever d'une théorie philosophique nommée existentialisme, dont l'étranger lui semble constituer une démonstration. À mon humble avis, écrit-il, ce roman séduira peu de lecteurs et ne fera pas grand bruit. Un autre conseiller éditorial juge l'étranger trop mince pour mériter une traduction. En janvier 1945, dans le rapport remis à Knopf, le même lecteur se montre dubitatif face à la scène que l'histoire littéraire a retenue comme la plus marquante du roman. « Le moment du meurtre lui-même, écrit-il, n'est pas vraiment convaincant. Le revirement n'est pas crédible. Ce livre est limité. » C'est une tâche redoutable qui attend les attachés de presse de Knopf. Alors que The Stranger va être distribué dans les librairies américaines, l'éditeur achète une pleine page dans Publishers Weekly. L'encart publicitaire intitulé « Sur la nouvelle littérature française » est signé Blanche Knopf, mais en réalité, celle-ci l'a fait rédiger par un professeur de français de l'Université Columbia, Justin O'Brien. Blanche Knopf lui a écrit « Les librairies n'achètent pas son livre et ne connaissent rien à la nouvelle école française. » Blanche Knopf entend faire tout son possible pour rendre The Stranger accessible et même captivant. Elle commence par décrire un dilemme courant chez le lecteur moyen. On ne saurait parler de la nouvelle littérature française sans aborder l'existentialisme. Voilà un mot qui fait peur. Les gens aiment montrer qu'ils savent le prononcer, mais personne ne semble disposé à le définir. Et c'est pourquoi je vais m'y essayer. L'existentialisme, poursuit-elle, repose sur l'idée suivante. Il peut être libérateur pour l'homme de savoir que l'univers n'a pas de sens. Elle mentionne au passage que Camus, dont on aperçoit le regard sombre en haut à droite de la page, refuse d'être rangé parmi les existentialistes, ne serait-ce que parce que sa foi dans la justice politique s'accorde mal avec la gratuité de l'existence. Knopf publie The Stranger en avril 1946, sans préface ni introduction. La couverture est aux antipodes des arabesques décoratives de Bowden. L'illustrateur en est Warren Chappell, l'un des grands graphistes de la maison Knopf, pour laquelle il a réalisé des éditions de classiques telles que Shakespeare, Dickens ou Tolstoy. Contrairement à son homologue britannique chez Hamish Hamilton, Warren Chappell n'a pas voyagé dans les pays arabes, mais plutôt en Allemagne. Il ne connaît pas particulièrement l'Afrique du Nord. Ce qui frappe surtout dans son illustration de couverture, c'est qu'elle nous met au plus près d'un visage d'homme. Chaque lecteur prend ce visage, si l'on peut dire, en pleine face. C'est un visage aux traits anguleux, dont la barbe de 3 jours est figurée par des ombres brunes. Hors de tout contexte et de tout décor, nous sommes ici confrontés à un être humain dont le visage annonce le portrait intense qui va suivre. On peut reconnaître dans ce visage universel, si j'ose dire, le personnage de Meursault, mais tout aussi bien celui de l'arabe, qui est l'étranger. Des articles que Blanche Knopf juge dithyrambiques vont se succéder pendant un mois, mais seuls 2500 exemplaires seront vendus. L'ouvrage est maintenant à 6 millions. En 1946, The Stranger n'est pas encore un best-seller. Mais sur le long terme, le message publicitaire de Knopf aura réalisé quelque chose de plus important que des ventes immédiates, Camus y étant présenté à des responsables de journaux et de magazines comme chef de file d'un mouvement littéraire français dit existentialiste et décrit comme le plus remarquable courant intellectuel en provenance de France. On peut le prendre par le haut, en philosophe, par le bas, en romancier populiste. La publication de The Stranger aux États-Unis a demandé une intense préparation. Après la confusion à propos du titre, après les rapports de lecture plutôt tièdes, après le gros coup de pouce de l'encart publicitaire dans Publishers Weekly, il reste une dernière étape essentielle, la visite de l'auteur aux États-Unis sous les auspices des services culturels de l'ambassade de France. Et dans la seconde moitié de ma conférence, je voudrais raconter la visite de Camus et les réactions initiales du public américain face à The Stranger et à son auteur étranger. Quand l'Oregon jette l'ancre dans le port de New York le 25 mars 1946, Camus est le seul passager que les services d'immigration vont soumettre à un interrogatoire. Sans doute, en ces temps de guerre froide, lui pose-t-on la question classique : êtes-vous ou avez-vous jamais été membre du Parti communiste ? Ce qu'il a été, en effet. Refusant de répondre, Camus garde le silence pendant plusieurs heures avant l'intervention d'un émissaire des services culturels français qui se porte garant de l'écrivain. L'incident parvient aux oreilles du directeur du FBI, Edgar Hoover, toujours à l'affût de la moindre menace communiste. Il fait aussitôt surveiller Camus par le FBI et réclame un rapport sur ses activités. La principale source d'information du FBI est un article de Hannah Arendt paru dans la grande revue américaine de gauche, The Nation, un mois avant l'arrivée de Camus à New York. Dans cet article intitulé « L'existentialisme français », Arendt affirme que la France est un pays où, je cite, « des livres traitant de questions philosophiques » qui exigent un véritable effort de compréhension, se vendent comme des romans policiers. Alors Hannah Arendt comme la source du FBI, hein, il fallait l'imaginer. Les existentialistes français, elle poursuit, s'amusent bien plus que les autres intellectuels de l'après-guerre. Sartre et Camus sont les deux principaux représentants de ce nouveau mouvement existentialiste. Après avoir longuement cité Hannah Arendt, le rapport s'efforce de minimiser la menace en soulignant que, depuis la libération, les communistes français eux-mêmes se préoccupent de la question nationale et de la reconstruction de leur pays. L'auteur du rapport, l'agent spécial James E. Tierney, note en guise de conclusion qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'enquête, écrit-il, n'a pu mettre en évidence aucune activité subversive ou politique de la part du sujet. Selon nos informateurs, le sujet s'efforce dans ses conférences de créer un lien plus étroit entre les positions culturelles américaines et françaises et d'expliquer sa philosophie de l'absurde. Cette philosophie invite à vivre lucidement avec l'absurde, d'autant plus pleinement que la vie est dépourvue de sens, et à profiter de la plus totale liberté terrestre, puisque la liberté éternelle est évacuée. C'est donc à cet obscur agent Tierney, qui a résisté à la paranoïa ambiante, que l'on doit la visite de plusieurs mois qu'effectue Camus sur le sol américain, et espérons que le FBI restera aussi ouvert d'esprit. 4 jours après son arrivée, Camus donne une conférence à l'Université Columbia. L'événement consiste en une table ronde sur la France de l'après-guerre, conçue et organisée par Claude Lévi-Strauss. À cette époque, en effet, le futur professeur au Collège de France est attaché culturel de l'ambassade de France à New York. Et tout New York ne parle que de cette soirée. Camus est accueilli à Columbia par Justin O'Brien, professeur au département de français, qui vient tout juste de remplacer l'uniforme militaire par le tweed professoral. C'est ce même O'Brien, rappelons-le, qui a rédigé le texte publicitaire pour Blanche Knopf. Imaginons la scène dans le théâtre Macmillan de Columbia. Pour une soirée en français, on a rarement vu tant de monde. 1200 personnes s'entassent dans une salle conçue pour 600. Certaines sont venues avec des exemplaires de Combat, sachant que Camus est le rédacteur en chef de ce journal, d'abord clandestin, créé dans le sillage d'un mouvement de résistance, est devenu le symbole des aspirations à une société plus juste dans la France de la Libération. Camus est accompagné de 2 auteurs des éditions de Minuit clandestines, Vercors et Timéret, mathématicien. Pour citer O'Brien, tout le monde avait hâte d'entendre parler français à nouveau et de voir en chair et en os quelques témoins des années noires de l'occupation. Fait curieux, devant le public de Columbia, Camus ne mentionne ni l'étranger, ni le mythe de Sisyphe. Il parle au nom de sa génération. Née pendant la Première Guerre mondiale, elle a vécu son adolescence pendant la Grande Dépression, atteint l'âge adulte pendant la guerre d'Espagne et l'ascension de Hitler, avant de connaître la défaite et 4 années de lutte contre l'occupation ennemie. Il évoque sans exprimer de regret cette mode de l'absurde qui a séduit des écrivains comme lui avant la guerre, et d'une littérature, je cite, « en révolte contre la clarté, le récit et la phrase elle-même ». Cet univers n'est plus le sien. Sans mentionner le roman auquel il travaille, « La peste », Camus en résume la thèse. Telle une épidémie enfin maîtrisée, la mort de Hitler met un terme à un cycle de mal, mais ne doit pas nous rendre complaisants. Camus appelle de ses voeux la suppression de la peine de mort, un dialogue entre les nations, l'indulgence envers les autres et la rigueur envers soi-même, et il vante le courage des Français qui, tels de modernes Socrates, ont accepté de mourir au nom de la justice. Penseurs et écrivains français devront désormais accomplir une tâche redoutable. Émerger de l'ère nazie avec une vision pessimiste du monde et une vision optimiste de l'homme. C'est là un aspect essentiel de la visite de Camus à New York. Et au fond, le public américain va s'intéresser plus à l'homme, symbole de la résistance, qu'à la traduction de L'étranger qui vient de paraître. Mais un autre épisode de son séjour est plus pertinent pour notre propos. Un journaliste du New Yorker est venu rendre visite à Camus dans sa chambre, l'hôtel Embassy, et la trouvai en train de feuilleter l'édition Knopf avec une mine contrariée. Camus parle un anglais plutôt sommaire, mais il voit bien qu'il y a un problème. « Il y a trop de guillemets là-dedans », dit-il à son visiteur. « Je suis certain qu'il n'y en avait pas tant dans l'original. » La différence est très notable ici, vous pouvez voir, hein, différence entre discours direct et indirect. Chaque fois que c'est possible, Gilbert remplace le discours indirect de Camus par un discours direct. Même une simple remarque telle que « j'ai répondu que non » devient chez lui « I answered no ». Ce choix a des effets considérables sur le ton, sur le style et sur la relation qui s'établit entre Meursault et nous. Alors que Camus a choisi le discours indirect pour établir une distance entre Meursault et le lecteur, pour le priver de dialogue direct, Gilbert préfère le dialogue. Croyait-il rendre le livre plus vivant ainsi? Nous n'en saurons jamais rien. 30 ans plus tard, un professeur de français du nom de John Gale, invité à donner un cours sur ce roman à des étudiants qui l'ont lu en anglais, éprouve un tel choc lorsqu'il découvre « The Stranger » dans la traduction de Gilbert qu'il publie un manifeste sous le titre « L'Amérique connaît-elle l'étranger ?» C'est en 1974. Alors voilà les exemples que je vais citer maintenant. Gilbert traduit « j'arriverai » par « je devrais arriver » et « ce n'est pas de ma faute » par « pardon monsieur, mais ce n'est pas de ma faute, vous savez ». Quant à la formule « je ne sais pas », elle devient chez Gilbert « je n'en suis pas certain ». Meursault n'est pas indifférent dans cette traduction, il est indécis. Camus écrit « je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi », que Gilbert traduit par « avec le bus de 14 heures, je devrais être arrivé bien avant la tombée de la nuit ». Gilbert remplace la prose dépouillée de Camus par des phrases à structure complexe et rétablit une causalité que Camus a pris soin d'éviter. Et enfin, non seulement Gilbert substitue le discours direct au discours indirect, mais il transforme le parler des pieds noirs en un langage familier typiquement britannique. Donc là où Camus fait dire à Raymond Saint-Aize en discours rapporté, il m'a déclaré que justement il voulait me demander un conseil, que moi j'étais un homme, je connaissais la vie. Gilbert traduit par « you've knocked around the world a bit ». C'est-à-dire quelque chose comme « il avait traîné ses guêtres ». Et que dire de sa traduction de la dernière phrase du roman? Phrase que vous connaissez. « Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. » Qui devient chez Gilbert « For all to be accomplished, for me to feel less lonely, all that remained to hope was on that day of my execution there should be a huge crowd of spectators and they should greet me with howls of execration. » Entre cris et howls, la traduction rejoint ici la fiction, car ce lexique va entrer dans l'histoire de la littérature américaine. Certains ont avancé que le fameux howl d'Allen Ginsberg, ce poème étendard de la Beat Generation, devait son titre à la dernière phrase de l'étranger, si mal traduite par Gilbert. Mais revenons en 1946 à ce Meursault américain qui frôle son nouveau territoire, la littérature américaine. Dans des articles parus entre avril et juillet 1946, on relève une nette divergence entre la porte-parole politique de 46 et l'écrivain solitaire auteur de l'étranger. Le magazine View, luxueuse publication surréaliste éditée à New York, publie un compte-rendu par Nicolas Callas. Celui-ci déclare que le héros de Camus habite un monde collaborationniste. Selon lui, Meursault est un parfait collaborateur qui, je cite, ne se perd pas dans l'action, mais abandonne tout espoir et devient cynique. Un vieil ami de Camus, Nicolas Chiaromonte, qui écrit dans le New Republic, voit un lien profond entre le refus du mensonge exprimé par Meursault et la droiture de Camus lui-même. En somme, il fait de Meursault un résistant. Camus entreprend ensuite une tournée des campus de la côte Est. Comme Simone de Beauvoir l'année suivante, mais sur un mode plus ironique, il est époustouflé par les étudiants américains et surtout les étudiantes. Le 6 avril 1946, à Vassar College, il note dans son carnet une armée de jeunes starlettes aux longues jambes qui se croisent sur les pelouses. Ce qu'on fait pour la jeunesse ici vaut la peine d'être retenu. Il n'a que 32 ans, mais il a vécu la guerre et la lutte clandestine, sans parler de ses ennuis de santé, et il a l'impression d'être bien plus âgé que les étudiants qui l'entourent. Comme tant d'autres Européens avant lui, il raille l'optimisme des Américains. Dans ce pays où tout s'emploie à prouver que la vie n'est pas tragique, ils ont le sentiment d'un manque. Ce grand effort est pathétique, mais il faut rejeter le tragique après l'avoir regardé, non avant. Pendant ce temps, l'establishment littéraire continue de commenter le livre et son auteur. Les premiers comptes rendus britanniques sont plutôt distants, bizarres, déconcertants, intraitables, déclare Elizabeth Bowen. Pour Vernon Fan, c'est l'histoire d'un homme anesthésié. Le philosophe Michael Ayers préfère le mythe de Sisyphe, tandis que Lionel Hall juge le roman africain et original. Dans la foulée des articles américains, peu interrogent les lieux du récit. Charles Poor du New York Times est le premier critique américain à évoquer l'autre débarquement, non pas sur les plages de Normandie, mais sur celles d'Afrique du Nord. Le cadre de l'étranger, écrit-il, c'est Alger, non pas l'Alger qu'ont connu tant d'Américains, cet Alger plein de grands gaillards en uniforme allié, d'armes et de confusion, de jeeps remontant bruyamment la rue Michelet, mais un Alger strictement français et arabe, appartenant à époque révolue, avant que la guerre ne s'abatte sur cette ville tout en collines. La chaleur de plomb, en revanche, est bien restée la même. Poor ne va pas jusqu'à établir un rapport entre le crime de Meursault et la Seconde Guerre mondiale. Le fait que des millions d'Américains qu'ils aient combattus en Normandie, en Afrique du Nord ou dans le Pacifique se rappelleront toute leur vie qu'ils ont donné la mort à un ennemi sans nom. À ces hommes, j'ai souvent le sentiment, l'étranger tend un miroir amèrement satisfaisant. Pour ce qui est du personnage de l'arabe, Poor l'évoque seulement entre parenthèses, littéralement entre parenthèses, à la fin de son article. Soit dit en passant, le sort de la famille arabe est totalement ignoré durant le procès. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que la critique américaine aborde cet aspect-là du roman, que l'introduction de l'édition britannique mettait en avant dès 1946. The Stranger, que Blanche Knop présentait en 1946 comme une expression philosophique de l'existentialisme, va finir par devenir un livre bien plus politique. Enseignants et étudiants finiront ainsi par revenir à la première lecture de Cyril Connolly et à débattre du sens d'une histoire où la victime arabe reste son nom et son voix. En 2014, Kamel Daoud a donné une nouvelle vie à l'énigme que constitue l'étranger en réécrivant le roman du point de vue d'un homme en colère, le frère de l'arabe qui, dit-il, a été tué dans un livre. Dans l'édition originale de Meursault contre-enquête publiée à Alger par les éditions Barzac, Daoud cite le livre de Camus sous son vrai titre « L'étranger ». Pour l'édition française, cependant, il a dû en changer le titre à la demande des héritiers de Camus, si bien que ce livre dans le livre porte un titre que Camus n'a jamais utilisé. C'est Daoud qui parle. Il avait un format assez petit. Une aquarelle était reproduite sur la couverture, représentant un homme en costume, les mains dans les poches, tournant à moitié le dos à la mer située à l'arrière-plan. Le titre en était l'autre. Le nom de l'assassin était écrit en lettres noires et strictes en haut à droite, Meursault. Cette description renvoie à la couverture de la première édition de L'étranger en livre de poche en 1957, bien avant la naissance de Daoud. C'est la première édition que j'ai possédée moi-même à 15 ans et peut-être aussi celle de Daoud. On imagine qu'il a pu trouver une vieille édition de poche circulant encore dans l'Algérie d'après l'indépendance. Il s'agit bien de la même couverture, mais tout le reste, dans Meursault contre-enquête, relève de la fiction. Le titre devient l'autre, l'auteur devient Meursault. Aucune confusion n'est désormais possible entre la vision du monde de Camus, l'écrivain porteur de nobles idées politiques, et la vision du personnage qui tue un arabe dans le roman. Permettez-moi de conclure brièvement. Le titre « The Stranger » pose à lui seul la question de la nationalité, en tout cas rétrospectivement. Mais ce titre évoque aussi l'idée d'aliénation, celle de Meursault vis-à-vis de la société civilisée. Aujourd'hui, mes étudiants férus de psychologie décrivent volontiers Meursault comme un autiste. Ils auraient bien intitulé le roman « The Alien ». Le titre imaginaire choisi par Daoud, l'autre, est également très séduisant. Daoud a déclaré dans un entretien que ce titre sert les objectifs de son propre roman mieux que ne l'aurait fait le titre « L'étranger ». C'est là une affirmation politique très forte. Quelle que soit notre identité, nous sommes toujours l'autre de quelqu'un. C'est ainsi que, dans Meursault contre-enquête, dans le chapitre même et à la page exacte où le Meursault de Camus tue un arabe, le personnage de Daoud, Haroun, tue un Européen. La vie d'un livre se poursuit bien au-delà de la vie de son auteur. Elle grandit, elle évolue, se développe ou se contracte à mesure que se succèdent les générations de lecteurs. La bonne santé d'un livre et même sa survie dépendent des nouvelles questions qui nous inspirent. L'insatisfaction qui a fait couler tant d'encre autour d'un titre s'est avérée une aubaine pour le roman de Camus, le combat en littérature étant générateur de textes, de romans et de couvertures. Merci. Eh bien, merci pour ce magnifique exposé. Une question, donc tu as suivi ces critiques de la traduction, très intéressantes. Donc Camus se rend compte lorsqu'il prend le livre qu'il y a trop de guillemets. Oui. Et ça, c'est le journaliste qui le dit. Alors, j'étais très heureuse quand j'ai trouvé ce détail parce qu'on n'a rien de Camus où il témoigne d'une attitude ou d'une autre envers les traductions. Mais dans un petit article non signé du New Yorker, oui, qui s'appelle « The Absurdist », au moment de la visite de Camus, et ça aurait pu être Liebling, mais ouais, c'est pas signé. Le journaliste dit « Je suis allé voir Albert Camus à son hôtel, il était en train de feuilleter la traduction de son livre, il m'a dit « Oh là là, il n'y avait pas autant de guillemets dans l'original, quelque chose ne va pas avec cette traduction. » Et les traductions qui ont été refaites ont économisé les guillemets. Absolument. Oui, Matthew Ward a retraduit en 87 et c'est une excellente traduction que j'utilise quand je l'enseigne en anglais. Mm-hmm. C'est-à-dire, Stuart Gilbert, évidemment, n'avait pas lu le bel article de Sartre de 42, l'explication de l'étranger, parce que Sartre explique justement comment Camus voulait que les phrases soient comme des îles et qu'il y a une sorte de manque de logique, d'arbitraire, et puis de, oui, le discours indirect aussi. Gilbert ne connaissait pas ce travail, il aurait dû, et Matthew Ward connaît bien. Si mes souvenirs sont bons, Camus avait refusé L'étranger paraisse en livre de poche. Il a dit ce n'est pas pour tout le monde. Voilà. Peste, ça va. Il me semble que L'étranger vient après La peste en livre de poche parce qu'il n'avait pas la même réserve sur le passage La peste en poche. Mais il avait admis ses collections de semi-luxe, des clubs avec des couvertures cartonnées. Mais il faut ajouter à cette histoire qu'il y a eu un meurtre en France. En 1948, un jeune étudiant a tué son camarade de classe et il a dit au juge d'instruction « c'est Meursault qui m'a inspiré ». Meursault et puis tant d'autres écrivains, il essayait l'alibi littéraire. Et le père de la victime a écrit à Albert Camus pour lui demander de témoigner à charge. Et Camus a répondu dans une belle lettre en disant « je ne témoignerai jamais à charge, et c'est pour ça que j'ai écrit L'étranger. » Ah oui, donc tu penses que c'est... Moi, je n'avais pas d'explication au fait qu'il ait accepté une édition de poche de La peste et, pas L'étranger. Ouais. Ça, tu penses que ça pourrait être... Je pense que c'est ça. Hein, ouais. Il dit, j'aurais pu inspirer un meurtre, oui. Enfin, il se sentait souvent coupable, Camus. Ouais. Il aimait bien reconnaître son tort dans différentes situations. Donc, tu étais allé en Algérie pour enquêter, donc pour le livre Une enquête, et je crois que tu y retournais depuis. Oui, j'ai eu le goût de l'Algérie, je retourne. Et j'ai suivi un cours d'arabe dialectal l'été passé. Mais c'est plus pour enquêter sur... C'est plus pour enquêter. Ça n'a plus de rapport avec Camus. Oui, c'est plus pour enquêter sur Camus. Et ton livre, maintenant j'oublie les choses, a été publié avant le livre de Kamel Daoud. Non, parce que j'avais déjà lu le livre de Kamel Daoud dans une édition algérienne, de 2013, je pense, et je suis allée le voir. Je suis allée le voir, et il m'a beaucoup taquinée quand il a lu mon livre, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui était l'arabe dans la Rix qui a inspiré Camus. Et il a dit, j'ai inventé l'arabe, et vous l'avez trouvé devant mes yeux, parce que c'était à Bouisville, et c'est là où il habite. Il était gentiment vexé. Oui. Et moi aussi, j'étais gentiment vexé par son livre. Donc, on était très bien ensemble. Oui, c'était fait parallèlement avec la fiction. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré pouvoir enseigner son livre. Ça relève un tas de questions. Et puis, en ce moment, aux États-Unis, où il y a un grand débat sur... les identités, l'autre, comment on fait, how do other people, donc ça marchait très bien. Je crois qu'on peut finir sur cette note. C'était les cours du Collège de France le 13 mars 2018. Vous venez d'écouter le séminaire d'Antoine Compagnon qui recevait Alice Kaplan, aujourd'hui, The Stranger contre The Outsider, un combat pour le titre de L'étranger de Camus. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours et séminaires d'Antoine Compagnon. Je rappelle son dernier ouvrage, Les Chiffonniers de Paris, publié chez Gallimard en 2017. Alice Kaplan a notamment publié En quête de l'étranger chez Gallimard en 2016, et je rappelle également Meursault contre-enquête de Kamel Daoud chez Actes Sud en 2014 et en poche chez Babel en 2016. Un grand merci à Marie-Jeanne Huet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des rapports entre narration et histoire avec un grand H, Antoine Compagnon recevant la reporter-écrivain Anne Niva. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.